Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. Quatrième leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الدرس الثاني. طيب. La dernière fois, on s'est arrêté avant de prendre les questions. فأولا سأسألكما عن الكلمات. Je vous interroge sur les mots. طيب ما معنى رحلة voyage لكن في النص dans le texte c'est quoi le place un vol ما معنى عليك أن تفعل كذا وكذا عليك c'est sur toi il faut que tu fasses طيب بعد عليك لابد بي ما يجب عليك أن عليك أن عليك هكذا سيغطو أيوة لكن نعني هنا ما هو القصد الذي جاء في النص طيب الدراجة هنا هنا لا الدراجة هنا في هذا النص نص تكست الدراجة سي لا كلاس أيوة وإلا هو سي ان دوغري وان مارش سياحة سياحية فد. سياحية توريستي زياره عليك كفر زياره من اي فئه انا مصدر من اي فئه زياره اي نعم فيزيت سين فيزيت ايوه لكن ما هو الفئه بالعربيه زياره يزور احسنت اقلاع اقلاع اقلاع اقلاع إقلاع ديكولي. أيه مصدر من أي فعل؟ إقلاع ديكو مصدر. أيوة ما هو الفعل؟ يقلع. الماضي. أقلع. نعم أقلع. أكد يؤكد تأكيدا. كونفيرمي. نعم. مطار. نوم سومن ساعة ساعة لير وصول وصول هذا مصدر من أي شيء وصولا وصل يصل الفعل نعم طيب الكلمة أخرى معروفة طيب ندخل مباشرة في الأسئلة أو نجي تماما على الكيسيون إن شاء الله غادي نفهمو صم يقول أولا استمع وردد إيكوت إيريبيت عندي سؤال قرار قرار ريبيتي قرار نعم وردد ريبيتي كذلك نعم وفعل الماضي وردد رد رد ايوه وردد انك ردد هنا وردد القرار هذا صعب يعني في هنا وردد اعيد كذلك اكمل سيدي طيب يقول حجز محمودا مكانا هذا ماضي محمود عايز عبيل بس يحجز محمود مكانا هذا مضارع في البريزون يحجز يا محمود مكانا هذا سي لامبيراتيف امر طيب او محمود ريزيرف اون بلاس طيب كون نو في ابري يا حرف النداء كون تابل كيلكان طيب ils prennent juste une... La plupart des noms, quand ils ne sont pas composés, ils prennent une dhamma. Tu ne dis pas « ya mahmoudoun », tu dis « ya mahmoudou ». Vous voyez ?« ya mahmoudou ». Irdiz, c'est le âme, ça. Irdiz, ayon, irdiz. Naam. طيب كل واحد يقرا الجمل الاتيه ويحاول ان يترجمها ده انت حجز محمود مكانا لا خلاص هذا خلاص التي بعده نعم تسلم محمود التذكره يتسلم محمود التذكره تسلم التذكره يا محمود يا محمد محمود محمد تام تفضل ترجم Mohamed a reçu, ses, a reçu son billet, le billet. Non. Mohamed reçoit le billet. Non. Et reçoit ton billet. Hein. Non. Le billet. Le billet. Oui. Istakhraja Ahmadul Jawaz. Istakhriju Ahmadul Jawaz. Ahmadul Jawaz. Istakhriju. Istakhriju. Istakhraja. La sukun, si tu t'arrêtes. Kassara, si tu continues. Istakhrij al-jawaza ya Ahmed ou istakhrij al-jawaza ya Ahmed. Al-jawaza ya Ahmed. Mais à la basse, une sukun. À la basse. Aïe, à la basse, une sukun. Quel homme, très souvent, quand c'est avec Anta, c'est une sukun. Il y a d'autres cas. Inch'Allah, ça va être d'autres. Inch'Allah. Taïeb, Haoul, Ahmed a retiré le Jawaz. Jawaz, moi le Jawaz, Jawaz au safar. Le passeport. D'ailleurs. Ahmed a retiré son passeport. Ahmed retire le passeport. Retire le passeport. Et Ahmed. أكمل عثمان إجراءة السفر. يكمل عثمان إجراءة السفر. أكمل إجراءة السفر يا عثمان. عثمان a complété ou à achever ses formalités de voyage. Les formalités de voyage. Non. Osman achève les formalités de voyage. Achève les formalités de voyage, il y a Osman. Non. Assent. Dakhala Aliyun Maktab al-Hajiz. Hajiz. Yadakhulu Aliyun Maktab al-Hajiz. أدخل مكتبة أدخل مكتبة حجز يا علي لا يا علي علي est rentré dans le bureau de confirmation la chance de réservation la chance de réservation non il rentre علي rentre dans l'agence de réservation rentre dans l'agence de réservation يعني. طيب خرج علي من المكتب يخرج علي من المكتب يخرج علي من المكتب اخرج من المكتب يا علي علي est sorti du bureau علي sort du bureau يا علي وعلي. نعم تمام سافر ابراهيم سافر ايوه سافر إبراهيم إلى الرياض. يسافر إبراهيم إلى الرياض. سافر. سافر. سافر. كسر. سافر. سافر إلى الرياض يا إبراهيم. إبراهيم أبويا إبراهيم أبويا جي. vers Riyad. إبراهيم voyage. Vers Riyad, voyage vers Riyad, Ibrahim. Tamam. Donc là, il vous a montré quoi? Les trois façons, les trois formes de verbes qui existent, qui sont le mardi, le passé, le mudari, qui est le présent, et l'amr, qui est l'impératif. Vous voyez, ce sont les trois formes de verbes qui existent en langue arabe. Et le mustaqbal, qu'on appelle le futur, rentre dans le mudari, sauf qu'on rajoute ça. Aou, on rajoute ça au fin. Sinon, il est parti inclus, vous voyez, dans le mudari. ثم ثانيا يقول حول الجمل الآتية كما في النموذج. Donc transforme les phrases suivantes comme dans l'exemple. النموذج يقول حجز محمود مكانا يعجز محمود مكانا يعجز مكانا يا محمود. Donc c'est la même chose qu'on a pris avant, sauf que là maintenant il vous donne juste le mardi à vous de faire le mudari et l'amr. Et c'est les mêmes verbes à peu près. Non, c'est presque les mêmes que l'exercice précédent. Mais Jama'a, c'est Yajma'u ou Yajma'u? Yajma'u. Taïeb. Man qara akhiran, c'est qui est le nom dernier? C'est. Taïeb, Ibn Anta. Istakhraj Ahmadu Jawazan. Istakhraj Ahmadu Jawazan. Istakhraj Jawazan, ya Ahmad. Naam. Fanien. Omar est rentré dans la bibliothèque ou la librairie. Yadkhulu Omar al-maktaba. Naam. Udkhul Omar udkhul fi al-maktaba Omar. Ya Omar. Udkhul al-maktaba ya Omar. Ma yatajil fi. Yatajil fi. نفس الشيء. نعم. ثالثا. خرج عيسى من الحجرة. يخرج عيسى من الحجرة. اخرج من الحجرة يا عيسى. ما معنى الحجرة؟ حجرة سنة بقتم. نعم. نعم. نبيس. رابعا. كثيما. تسلم علي الرسالة. يتسلم علي الرسالة. استلام. لا. تسلم. تسلم رسالة يا علي. ما معنى رسالة؟ رسالة. نعم. خامسا أكمل عثمان الكتاب. عثمان a fini le livre. En fait, on dirait le compléter ou lire le livre. أكمل عثمان الكتاب. يكمل عثمان الكتاب. أكمل الكتاب يا عثمان. Dis pourquoi t'as dit you. يكمل. نعم. يكمل. نعم. Pourquoi t'as mis deux mains alors que les autres on commence tous par une fatha. C'est un verbe à 4 lettres. Tous les verbes à 4 lettres, c'est par you, comme on l'a dit, c'est une règle générale. Tous les verbes en 4 lettres, ça y est, ils commencent par un dhamma et une kasra au milieu. Ça y est. Saadisan, deuxièmement. Saafara Abdullahi ila Makkah. Naam. يسافر عبد الله إلى مكة سافر نعم سافر إلى مكة يا عبد الله يا من يا عبد الله بالضمة ها يا عبد عبد سي كو لا حركه فعل دل يا عبد لا باسكو tu fais un appel un nida et que tu as un nom qui est composé d'un mudaf et d'un mudaf ilayhi comme Abdullah Abdurrahman ou كذا dans l'appel dans le nida il est mansoub prend fatha tu as dit ya Abdallah ya Abdallah Dès que tu as un moudof, moudof il est, et qu'il y a un appel qui se fait, un nida, le moudof il prend une fatha. Allah subhanahu wa ta'ala, yakul fi kitabi, ya ahlil kitabi, ta'alaw ila kalimatin sawa'in bayna wa baynakum. Ya ahlil kitab, avec une fatha sur le lam. Ou vous les gens du livre, venez à une parole égale entre nous et vous. Comme tu dis, Ya Rasul Allah. Au messager d'Allah, quand tu fais le nida, l'appel, tu dis Rasul Allah. Tayyib Allah. Sabian. Kataba Ishaq al-Dars, Yaktubu Ishaq al-Dars, Uktub al-Dars, Ya Ishaq. Naam. Thamina. Qara'a. قرأ يوسف الصحيفة يوسف a lu le journal. يقرأ يوسف الصحيفة. نعم. اقرأ صحيفة يا يوسف. يا يوسف. يا يوسف. يا يوسف. نعم. تاسعا. جمع صالح الدفاتر. ما معنى هذا؟ Les Daftar Abbas, c'est traduit par un cahier en général. Un cahier. Naam. Et Daftar, c'est le furia, c'est le jam. Yajma'u salih al dafatir. Ijma' al dafatir ya salih. Naam. Ashiran. Dafa'a Khalidul Hisab. طيب هنا دفع سيجر بيه على بس دفع طيب سيجر بوسي طيب يسوسي وولا جير بيه ادفع قيمة كذا في la valeur de telle chose طيب donc là دفع le sens voulu الحساب c'est le compte on dit دفع الدين hein on dit دفع الدين دفع الدين أو تسدد الدين rembourser on dit pas autre mot on dit pas autre mot pour payer en général c'est sous le mot qu'on paye ادفع دفع Ou les hisab, c'est le compte. Qu'a fait Ta'ala, comme il dit à son messager, Innama alayka al-bala' wa alayna al-hisab. Voyez, Allah dit au messager, toi tu n'as juste qu'à transmettre et le compte nous revient à nous. Voyez, hisab, c'est le compte. Et là, le compte voulu, c'est, bah, je sais pas, mon restaurant ou de Ken, ou, c'est pas le même compte. Donc, Ali, Khalid a payé le compte. Tfaddal. يدفعوا خالد الحساب. C'est pas خالد, c'est خالد. خالد. يا مت. أيوة. ألف. خالد. نعم. يدفعوا خالد الحساب. طيب. أمر تبعه؟ أمر لا. دافع. لا. يدفع. نعم. Idfa Khalid. Là. Khalid, il y a la fin. Idfa Ali. Arrête-toi, je viens mot pour mot par mot, fais pas de liaison, si jamais ça te pose un problème. Idfa. Naam. Khalid. Non, je suis mal à la fin, lui. Ah, Naam. Idfa. Il fait le hisab Khalid. Ya Khalid. Taïeb. Et des fois, on peut ne pas mettre le ya. Tu peux dire il fait le hisab Khalid. Mais il y a un takdir, il y a un sous-entendu qu'il est là. Et des fois, tu n'es pas obligé de le mettre. Tu n'es pas obligé de dire ya à chaque fois. Mais il est là à la base. Taïeb, c'est juste que tu ne l'entends pas, tu ne le prononces pas, mais il est là. Parce que le nom qui vient après va prendre les règles du nom dans lequel rentre Harf Nida, l'appel. Tu vas dire il fait le hisab Khalidou. Tu ne vas pas dire Khalidoun. Donc ça prouve qu'à la base, il y a un truc qui s'est passé, que le tanoun est tombé. C'est quoi cette chose-là? C'est que Harf Nida, le Ya, il est là, mais le Muqaddar, sous-entendu, tu ne le vois pas. Mafoumahada. Thalithan, Istamir wa Raddid. Écoute et répète. Donc là, il va vous apprendre à quoi? À vous servir d'un fil Mudari'a ou d'un Masdar. La phrase a le même sens, mais vous pouvez la formuler de façon différente. Soit en conjuguant le verbe directement, ou soit en employant le masdar. Taïb, mesalan, yakoul, mata tukli'u at-ta'ira. Quand est-ce que décolle l'avion? Et tu peux dire également, mata ikla'u at-ta'ira. Quand est le décollage de l'avion? Taïb, nefs ma'ana, inama taghayyarat al-ibara. C'est juste l'expression qui a changé. Tukli'u, c'est akla'u yukli'u, décoller. Tukli'u, faire le. C'est conjugué là ? Non, Moudalia. Moudalia, à la deuxième personne. Féminin. Féminin, hiya. Ta'ira, hiya, en fait. Ta'ira, hiya. Il ressemble à anta. Il prend la même apparence, mais c'est pas pareil. Ouais. Vous voyez, je veux dire anta, tazhabu, mais tu veux dire hiya, tazhabu aussi. C'est dans le sens de la phrase que tu as différencié, à qui tu parles. Ta'ira, je me la fais un hiya, c'est pas bon. Mata yusafiru Ibrahim, mata safaru Ibrahim. Arjim? Quand voyage Ibrahim, et quand est le voyage, quand est le voyage d'Ibrahim? Non. Ça, Alifan? Mata yusafiru. Yugadiru. Ça, Alifan. En dessous. Ah! Mata yugadiru Mahmoud. Ghadara yugadiru. À la base, c'est délaisser une chose. Taïeb. Quitter. Ou quitter. Là, ça a le sens de quitter. Il fait le mardi. Hein? Là? En fait, on va être traduit par partir. Yugadiru, c'est son mudaya. Aïe, Est-ce le cas à l'heure pour les conjuguer? Parce qu'on les voit toujours dans cette forme-là. Hmm? On voit toujours les verbes dans cette forme. Mudaya, en fait, on les voit tout le temps au mari. Au contraire, moi j'ai toujours vu les verbes au mardi, et après dans les livres, généralement, à partir de là, ils conjuguent. Ouais, mais là, vous devez être que le mudaya, mon exercice. Surtout son mudaya. Mata muradaratu mahmoudin. Non, muradara, c'est masdar de radara, yuradiru. Et muradara, c'est muradaratu, ça c'est masdar. Non. Et limada mahmoud, il y a une kasra, un kasrakein. C'est mudafilay. Muradara mahmoud, et le départ de mahmoud. On a sa mudaf et l'autre sa mudaf ilayhi. Comme Rasulullah, ou Kitabullah, ou Baytu Muhammadin, la maison de Muhammad. En fait, c'est quand il est le départ, ça, c'est ça? Non, on traduit pas le départ. Rabi'an. Mata yassilu mudadris. Mata usulu mudadris. Mana yassilu? Mana yassilu, j'arrive. Non, c'est de wasala. Non. Wasala yassilu. Le moussou, c'est l'arrivée. Non. Khamisan. Mata yadkhulu talaba. Talaba. C'est la forme du pluriel de talib. Tu peux dire tulab et tu peux dire talaba. Taïeb. Ceux-là sont les mécréants et les pervers. Et kafara, c'est le diable de kafir. Tu peux dire kuffar, tu peux dire kafirun, tu peux dire kafara. Et comme fajara, c'est le diable de fajir, qui est un pervers ou une personne immorale, tu peux dire fujar, et tu peux dire fajara. Akaza, c'est l'une des formes de pluriel. Mata dukhulu talaba. Mata dukhulu talaba. Naam. Quand les élèves arrivent. Rentrent. Et quand est la rentrée des élèves. Naam. Ça dit ça. Mata takhrujul bint. Mata khrujul bint. Quand est-ce que consort la fille et quand elle a sorti de la fille. Non. Donc tu vois là comme il dit Mata tachrouj el bintu, el bint, c'est elle le fa'il, c'est le sujet. Et ça revient à hiya. Donc tu vois, il dit tachrouj, avec un ta comme un ta. Sauf que là, c'est pas pour un ta, c'est pour hiya, elle, la fille. Non. Les deux, ils ont la même. Ils s'écrivent pareil. Un ta tachrouj, ou hiya tachrouj. Fi kitab, fi kitabi sauf. Moi, je voyais la deuxième personne, du féminin. Là, c'est pas du féminin, c'est masculin. Mais c'est masculin. Non, quand tu dis anta takhruj, c'est masculin. Ama anti takhrujina, c'est voilà, autre chose. C'est ça. Là, nous on parle de quoi? De deuxième personne, du masculin, et la troisième du féminin. On n'a pas parlé de deuxième du féminin. La troisième du féminin. C'est la troisième du féminin qui ressemble à la deuxième du masculin. T'as fait? Non. Ça bien? Andaman? Andak. Matay yaoudou Ahmed. Matay. عودة أحمد. عاد يعود. يفسي غوفنيا. يوم دون معنى رجع. نعم. مرادف. سيسلمي. Votre fils رجع. مثلا تكون محمود يعود من كذا ومحمود يرجع من كذا. يرجع سي الأم يرجع يرجع سي الأم يرجع يرجع يرجع يرجع طيب ترجم كان أحمد رجع نعم كان إلى رجع دل أحمد نعم الغتور نعم ثامنا متى تزور المحمد متى زيارتك؟ معهد، سي مدرسة، سي انستيتيو في ليكول. quand visites-tu l'université ou l'établissement? Et quand est ta visite? نعم. متى تحضر للسفر؟ متى تحجزوا؟ نعم. متى تحجز للسفر؟ متى حجزك؟ quand tu réserves ton le pour le voyage. Quand réserves-tu pour le voyage? Quand est ta réservation? نعم. تاسعا أو عاشرا. Quand tu dors, quand est-ce que tu dors et quand tu sommeil. نام ينام c'est dormir. Et نوم on avait dit que c'est sommeil. نوم c'est مصدر. نعم. حادي عشر. Onzièmement. متى تركب الطائرة؟ متى ركوب La base rakaba, rakiba yakubu, c'est monter sur quelque chose. Vous voyez, mais là, ça va être embarqué. Tout ce qui est, tu montes dans une voiture ou quoi, tarkab seyara. Ça y est. La rajat. Aïwa. Ou alors le hissan sur le cheval. Rakiba yakubu. J'ai dit yakubu, moi je pense, c'est une fatha, c'est yakubu. Aïwa. Rakiba yakubu. Par exemple, tu dis arkabu. Là, ça c'est pour monter une chose, embarquer une chose sur laquelle tu te déplaces. Mais le Jabal c'est Tala. Moussa, Saïda, non? Aïdan. Quand est-ce que tu en. C'est-à-dire tu montes dans l'avion, tu embarques. مثل للسيارة. نعم. مثل. متى؟ quand est-ce que tu embarques dans l'avion? نعم. C'est correct. نعم. Quand est ton embarcation? mon embarquement. Non. Quoi est ton embarquement? Mon embarquement. طيب هذا مفهوم الحمد لله. رابعا اجيب كما في النموذج. Réponds comme dans l'exemple. يقول متى الإقلاع. Entre parenthèses, il met la réponse. الساعة التاسعة. Donc après, il faut comment faire assembler entre la question et la réponse pour dire al-iqla'u as-sa'at at-tasi'a. En fait, c'est matin l'iqla' quand est le décollage. Entre parenthèses, il met 9h, sa'at at-tasi'a 9h, donc tu veux dire, voyez, le décollage est à 9h. Et fa'awalan yaqul mata as-safaru, entre parenthèses, il met as-sa'at wahida. Voyez, à 1h. Donc ça veut dire quoi? As-safar as-sa'at wahida. Le voyage est à 1h. طيب ثانية متى المغادرة المغادرة الساعة السابعة السابعة تجي قل جي مغادرة مغادرة سي لا سي تدفع متى الوصول الوصول الساعة الثامنة نعم 8h الوصول سي لاريفي رابعا متى الخروج الخروج الساعة التاسعة متى العودة ما معنى العودة عودة اسم مصدر ده عاد يعود كيف بدي رجع revenir quand est le retour العودة ساعة الثالثة. 3 heures. الساعة الثالثة. نعم. سادسا. متى الزيارة؟ الزيارة الساعة الثانية. نعم. 2 heures. La visite est 2 heures. سابعا. متى النوم؟ النوم الساعة عشرة. نعم. ساعة العاشرة. نعم. الجلو اللي طول سمية تا 10h. ثامنا بجمع. متى الإقلاع؟ الإقلاع الساعة الرابعة. نعم. ديكولاج تا 4h. تاسعا نجمع. متى الدخول؟ نعم. L'entrée est à 5h. عاشرا وآخرا. متى الدراسة؟ الدراسة الساعة السادسة. نعم. Donc là on dirait دراسة, on dirait à la base l'étude, mais on dirait le cours. Et le cours est à 6h. Alhamdulillah, dama foum. فالآن, vous avez compris un petit peu comment des fois pourquoi il y a un verbe ou un masdar. Mais ce qui arrive souvent aux débutants, c'est qu'ils emploient le verbe. Non. Souvent au début, quand on ne connaît pas trop encore, c'est souvent on emploie le verbe, on conjugue. Et des fois, on a juste un masda, la phrase peut être même plus courte, peut être meilleure, tu vois. Et puis les phrases sont courtes en arabe, mais c'est sal balara, la base, c'est comme la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est jawami al-kalam, c'est-à-dire en peu de mots, il comprend beaucoup de sens. Plus les phrases sont courtes, et résumées, et concises, et plus elles sont profitables. Et ça en fait l'éloquence en arabe. C'est pas forcément des grands mots ou quoi. C'est une phrase courte. Voyez, avec plein de sens. Quand tu vois le Coran, la parole d'Allah, tu vois le Mus'haf, la taille qu'il a, et bien tout ce qu'on voit autour, les kutub de l'aïm, ça revient à quoi? C'est quoi le but? Regarde le tafsir par exemple. Un tafsir du Coran. Regarde comment il est gros par rapport au Mus'haf. Tu vois? Donc tu peux avoir même des 100 volumes. C'est pour expliquer quoi? Le Mus'haf. Ce qu'il y a dans le Mus'haf. Voyez? Parce que quoi? Le Mus'haf, il y a beaucoup de. Il y a un grand balara dedans, une grande éloquence. En peu de paroles, là, il donne des sens énormes. Voyez? C'est une chose qui est impossible à l'homme. D'ailleurs, Allah, ce moment-là, il a défié les hommes de venir qu'ils soient comme les siennes. Les plus grands poètes, les plus grands gens éloquents, il les a défiés de faire ça. Donc, à la base de l'éloquence en arabe, c'est pas forcément les grands mots ou quoi. C'est peu de mots avec beaucoup de sens. Surtout ça. Comment placer les mots, ça c'est une autre science qui sera étudiée, Inch'Allah, al-Balara, après, bien-Allah. Là, pas forcément, il ne faut pas croire. Hein. Si tu prends des bonnes bases de Nahou, tu pourras faire des balas. Il faut que tu aies du vocabulaire ou quoi. Mais je veux dire, même après un kita comme Jurumia ou quoi, tu peux faire des balas. Il ne faut pas croire. Inch'Allah, tu verras quand tu vas entrer dedans, tu vas dire, bon, en fait, Alhamdulillah, c'était pas si dur que ça. On a choisi le deuxième on prend la deuxième partie du ders, qui est la partie où, comme on a dit, quand dans un ders, tu as une partie, c'est un hiwar, c'est une conversation. L'autre partie, c'est un texte qui, lui, cite, taïeb, en histoire, compte la conversation. Donc là, c'est plus Mahmoud a dit ou Foulen a dit, c'est il a dit. Taïeb. Donc il met dans le vocabulaire les nouveaux mots Hadara Yahduru. Qui nous rappelle ça veut dire quoi Hadara Yahduru? Allez, ouais, venir se présenter. Ajaba Yujibu. Et Mazor c'est Ijaba. Non, c'est répondre. Se présenter à Hadara. Hadara c'est venir se présenter, être présent. Comment il y a trop de sens là. Hein? Ça dépend de la phrase en fait. Si je dis Hadra Mahmoud, il est venu. Vous voyez? Hadra Mahmoud d'Amamun Moudir, Mahmoud s'est présenté devant le directeur. Khudur. Aïwa. Non, Hadir c'est Ism Fa'il. Je vais venir ça aussi. C'est autre chose. Le Hadir c'est celui qui vient en fait. C'est celui qui commet l'action. Ça va venir dans le kitab Kazali qui des exemples. Ajaba Yujibu c'est répondre. Et le meilleur, comme Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim d'Égypte, il a fait la faïda à Cheikh Yahya, c'est tu dis, tu jibou an, as-souel. Répondre à la question, c'est tu mets an derrière. Mm. Il y en a, vont dire, ajib as-souel. Mais le meilleur, le plus correct, c'est ajib an, as-souel. Tu mets an, c'est mieux. Ah, ouais, quand il était venu sur visite, il a eu des assises avec Cheikh Yahya, entre eux, tu vois, des masail l'orawiya dans la langue. Il lui a dit que quand tu dis ajib, le mieux c'est de mettre an derrière. Ils ont cherché dans les kutub de l'aura, ils ont vu que c'était correct ce qu'il avait dit. Tu vois, tu mets an. Et Cheikh Yahya est dans un ders. Tu vois. Non, il est l'orawi, Mashallah, j'ai entendu parler, Mashallah. Alors, en langue arabe, il est très fort. En tout cas, son parler, il est. Mais il parle vite, attention. Il parle vite. Les Égyptiens, c'est marrant, les Égyptiens, ils sont forts en langue arabe. Ça, c'est depuis longtemps. Dommage qu'ils ne soient pas aussi forts dans la Akida. Mais les Égyptiens, c'est connu. En langue arabe, les Égyptiens, ils sont forts. Vous voyez. Mou'id. Mou'id, c'est un rendez-vous. Mou'id, c'est un rendez-vous. Fi, c'est connu, harfoujar, qui veut dire non. Et ay, là, quand on loue la phrase, que ay, ça peut avoir plusieurs sens. Elle loue la phrase pour savoir ce que lui veut dire par ay. À la base, c'est quel. Par exemple, tu dis, fi ay yomin jita, quel jour es-tu venu? Vous voyez? Donc, ay, ça veut dire quel. Vous voyez? Ay, ça veut dire quel. Voyez, bon, on va lire le texte, Inch'Allah, on va traduire juste les questions, et elles seront pour vous, pour demain. Inch'Allah. Voyez, maintenant, c'est accro, le yom. Voyez, cool. Zahaba Mahmoudun il est le matar. Donc, Mahmoud est parti à l'aéroport. Il y a Jiza, l'Issafali, les Mamlakati, l'Arabiati et Saoudia pour réserver pour le voyage au royaume d'Arabie Saoudite. Donc quand tu dis li et tu rentres un verbe derrière, c'est pour faire telle chose. Li takra pour qu'il lise. Li ajlis pour qu'il s'assoie. Et il prend une fatha souvent. Souvent. Il y a d'autres choses, mais souvent il prend une fatha après li. Ensuite, Yaqul. Wajada Mahmoudun Hajzan fi rihati yom sabt. Donc Mahmoud a trouvé une réservation pour le vol du samedi. Wajada, c'est wa, on a dit, ça veut dire quoi? Trouver. Rihla, à la base, c'est un voyage, mais là, il veut dire un vol. Et yom sabt, samedi. Min al-uzbu al-qadim. Donc la semaine prochaine. Taïeb, qadim, c'est une chose qui arrive. L'uzbu, c'est semaine. Bil darajati siyahiyya. Voilà, classe éco, touristique. La rajah, on a dit, c'est-à-dire quoi? Classe. Et si yahiya, touristique. Talab al-muwazzafu min mahmoudin an yahdura li ta'kid al-hijj. Al-hajj d'afouan, comme le safar biyoumin. Donc, l'employé a désiré, talab a désiré, min mahmoudin, de mahmoud, un yahdura qui se présente, l'itakid et l'hajz, pour confirmer la réservation, voyez, qobl et safar biyoum, d'un jour avant le voyage. Sa'ala Mahmoudun Mouazzafa an Mou'id Ikla et Ta'ira. Donc Sa'ala s'est demandé, donc Mahmoud a demandé à l'employé, voyez, Sa'ala Mahmoud un Mouazzaf an Mou'id, voyez, du rendez-vous, plutôt on dirait l'horaire de le rendez-vous, Ikla et Ta'ira, du décollage de l'avion. Sa'ala, à propos de. C'est en tout cas un cas, je t'ai interrogé à propos de cela. C'est à propos, ça dépend des phrases. Là, dans la phrase, on dira à ce moment-là. Après, c'est que le, comme ils appellent ça, le feeling. Avec le feeling, je sais là, tu vas sortir quand une lettre, un harf, il en prend les comme ça ou comme ça. Ça a plusieurs sens. Et toi, tu vas ressentir la chose. Vous voyez ? Naam. Adjaba al-Muazzafu, donc l'employé a répondu. Iqla'u fil 'ashirati sabahan, que le décollage est à 10h du matin. Tamam? Donc maintenant, il pose des questions qui sont rapportées au texte. Tamam? Wa 'alaykum al-jaba li ghadi inshallah. Vous devez répondre pour demain. Aywa, ayna diran, tu vois. Il est habitué depuis le début, il a bien pour la chose parce que tu vas pas souvent entendre. Donc il vous dit ajib 'ala. Ajib 'ala as-su'al. Donc on dit 'ala. أولاً أجيب عن الأسئلة الآتية. دوك يبون كسؤال سؤالات. أولاً إلى أين ذهب محمود؟ وصل محمود إيطالي. ثانياً لماذا ذهب محمود إلى المطار؟ بوكو محمود إيطالي على الأيروبور. ثالثاً هل وجد محمود حجزاً؟ هل محمود a trouvé une réservation؟ رابعا في اي يوم وجد محمود الحجز. Donc on va dire اي c'est quel, donc quel jour, voyez, محمود a dû trouver une réservation, pour quel jour plutôt. خامسا متى يؤكد محمود الحجز, quand est-ce que محمود doit confirmer, voyez, la réservation. سادسا متى موعد اقلاع الطائره, quand est le rendez-vous pour le décollage de l'avion. Le rendez-vous pour le décollage. Non. Pourquoi on n'a pas dit l'iclore? Parce que là, c'est un mot d'offre qu'on doit filer. Mouïd iclore, c'est ce que ça veut dire ça. Au début, les traductions sont terre à terre, mot pour mot. Après, tu vas changer la chose, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme je dis, ça va bien avec le temps, Inch'Allah. Ma fouf, asile, y a alikoum, l'irad, Inch'Allah. Thani, deuxièmement, Ajib al-Asil Atiya. Donc répond aux expressions suivantes. Et cela mérite de vous d'écrire de vous-même. Comme la dernière fois. Yaqul, Mata Hadarta il est Riyad. Quand es-tu rendu à Riyad? Thaniyan, Bimada Hadarta. Par quel moyen t'y es-tu rendu en fait? Comment? Toi, à la place de Riyad, tu mets. Là, parce qu'ils veulent quoi en fait? Le lieu d'où tu as pris les billets pour partir. Donc c'est avant de partir. Masala. Mis. Aïe, Asanta. Mis. Thalithan. Limada Hadarta. Pourquoi, Tayyib, es-tu venu? Ou t'es-tu rendu là-bas quoi? Tu mis ça. Nam. Rabian. Hel, indaka jawaz ou safar. As-tu un passeport? Khamisan. Min aina. Istakhrajta ta'shira. D'où tu fais sortir le visa? Une des phrases courtes. Voyez? Vous ne cassez pas la tête comme vous pouvez. Voyez? Bi hasb al qudra. Voyez? Sta'in billah ou la tarjez. Voyez? Tu dormis à Allah. Voyez? Et ne baisse pas les bras. Fais les choses. Voilà la phrase, puis c'est dur. Même une phrase courte, c'est pas grave. Amshi, elle est correcte. Voyez? Le ratan y a sahiha. Voyez? Ou la ma'na. Elle a un sens et elle est correcte. Tamam? Mafhoum hada? Tayyib. Fasna ktafi bi hada al-yawm. Wa naqul alhamdulillahi rabbil alamin.